Parce qu'on aime ça assumer comme ça. À 70% cette semaine, on va commencer l'émission avec quelques mots de quelques-uns de nos commanditaires qui nous sont très chers. C'est Ami Godette au micro. Bruno, il n'est pas là. On n'est pas triste. Il devient plus fort à chaque instant. On a trois pubs ici avant de lancer l'émission. Les liqueurs Fortier vous invitent à ramasser les capsules des bouteilles format familial afin de vous procurer toutes sortes de cadeaux presque à moitié prix. Un beau camion d'armée avec canon atomique. Procurez-vous chacun de ces cadeaux presque à moitié prix avec 8 capsules format familial des liqueurs Fortier. Duromax, le pare-brise vient d'éclater. Vite, Durobel, rendons-nous chez Duro. Ils ont des super vitres. Duromax, notre Durobolide est déjà prêt. Et oui, Durobel, grâce à Duro, notre Durobolide est équipé d'un super kit. Un toit ouvrant, un marche-pied, un porte-bagages. Duromax. Duro, tout pour le Duromax en vous. Merci, Duro. Y'a trop de questions sur ma liste, de questions techniques et existentielles. Si Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils. La vie ce n'est pas simple, mais heureusement on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part, elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. Ça, c'est Damien qui nous a amené la trame sonore de fond ce soir. C'est ça provient d'une superbe boîte de céréales de 400 grammes qui contenait beaucoup de Rice Krispies croustillants, et voilà. Délicieux. Ah, ça, c'est la bass. C'est la bass. C'est devenu aussi une petite boîte à l'intérieur. C'était Guitar Hero. Là. Il y a ouais. Trois beats. Ça, ça pèse à peu près 100 grammes. Ça va être en vente à l'encan. Je vais essayer de l'accrocher là. Ça a l'air de tenir. Hey, sinon, Damien, tu es là pour nous parler un petit peu de la foire puis du Téléthon. Certainement. Toutes les informations qui sont disponibles, je vous les offre de ma bouche. OK, excellent. Puis sinon, ben, à ta droite, on reconnaît Israël, le fantastique Trudel Denis. Ah. Bonsoir. Hey, tu vas-tu nous parler encore de choses fantastiques? Ouais. Aujourd'hui, on va s'échapper d'une prison fantastique. Il va y avoir des missiles fantastiques qui vont s'en aller vers l'école fantastique. Aïe, j'ai vraiment hâte de voir ça. On rappelle qu'Israël nous raconte Final Fantasy Fantastique 8. Oui. il l'a subi, il l'a vaincu. Toi, Fred, j'étais là pour remplacer DJ. Hein? Ouais, alors, moi, je fais un ménage de mon iTunes, fait que j'ai amené une couple d'excellentes chansons. Puis sinon, ben, je vais vous lancer des potins de stars. Enfin, ça fait longtemps. Yeah, on va grandir. À ta droite, c'est Eric. Eric. Éric, qui bonjour vient de... Bonjour tout le monde. T'es Lavallois, de ce que j'ai déduit tantôt? On va dire Montréalais, j'aimerais mieux ça. Tu sais, okay. Quand ça fait 4 ans, nous parler de Highway puis de Sandacha? On a grandi ensemble à Laval, mais on n'est plus Lavallois, on s'est fait expatrier. On sait que la différence est majeure entre les deux. Il ne s'agit que d'un pont. Oui, mais tout un. Hein? Tout un pont. Sinon, ben, y a Marie-Ève Gagnon. Toi, tu viens de Val-d'Or, ça, c'est pas la même chose du tout qu'Amos. On reçoit quelqu'un de Val-d'Or! Merci, merci. Ben ouais, elle est civilisée en plus. Ouais, mais Rouen, c'est bien mieux. Ouais. C'est bon de le prendre de même. T'as un peu, moi, j'ai me manqué de quoi. Puis Ricky là-bas. Toi, Ricky. Salut tout le monde. Salut. T'étais là pour faire flasher ton bling, mettons. Ouais, ben en fait, je suis passé, je vais probablement rien dire, mais je vais être là, je vais donner des commentaires sur tout, mais... sans contribuer vraiment à l'action. Ouais, ouais. C'est ça. Excellent. Ça, c'est du show de 70%, sapristi. Moi, comme les amis sont un petit peu moins là, j'ai décidé de vous amener une petite sélection de pubs là, qu'on a découpé, parce qu'on a découpé les nombreuses pubs qu'on avait dernièrement, puis... Moi, quand il y a des tunes, j'aime bien ça en publicité, tu sais, des petits slogans pis tout, là. Fait qu'il va en avoir tout le long de l'émission. Sinon, ben, le long métrage. Oui, on a hâte. Sinon, le long métrage, c'est l'excellent Rage avec Gary Daniels. C'est vraiment, moi, un de mes 10 films préférés à vie. Puis, je pense que ça va être la troisième fois qu'on le propose en visionnement. Il a jamais passé? Non, mais il a passé dans le temps qu'on était à l'UQAM. Ah, OK. Tu sais, ça fait vraiment longtemps, là. Ça a plus rapport, là. Le monde, ils connaissent plus Gary Daniels. C'est qui est beau, Gary. C'est pas de lui que tu voulais un enfant? Mais hein, que c'est de lui que je veux un enfant, t'es au courant, hein? J'aimerais ça que le monde... Tu m'en avais déjà parlé. Ah oui, Gary, il est spécial. Autour du feu. Ah, fait que c'est 70% sapristi. On va commencer avec Eno, la, pétillant. Ah, et puis un petit message, hein? Un petit message à Bruno. Il paraît qu'il souffre. Grosse grippe. Oui, grosse grippe. En tout cas, fait qu'il viendra pas? Non, il est pas là à soir, Bruno, il souffre. En manchette ce soir, Bruno souffre. Bruno souffre, on va peut-être avoir un update au long de l'émission. C'est pas grave, j'espère qu'il écoute l'émission. On a une excellente chanson de Daniel Gabriel d'ailleurs, pour la 8e semaine consécutive. D'ailleurs, on va commencer avec ça. Ça s'appelle Baiser les étoiles, mais elle va exister juste après qu'on aille les trois pubs. Là. C'est Eno pétillant. Il va avoir une tonne de Ford et puis une affaire est-ce pour qu'on arrêter pourrait, les mal de tête. Est-ce qu'on pourrait la dédier à tous les amoureux? La tonne de Danny Daniel. Baiser les étoiles. Baiser les étoiles, on aimerait la dédier à tous les amoureux. C'est Tommy Godette pour 70%. Si vous aimez ça, un moyen à date, ça devrait pas trop changer pendant la prochaine heure et demie. Là. Fait qu'on se lance dans 70%. Pétillant, pétillant. La la la la la. Pétillant, pétillant, pétillant. Eno. Eno, la la la. La la la la la. La la la la la. La la la la la. Eno, au goût agréable, soulage brûlure d'estomac et excès d'acidité en quelques secondes. Pétillant, pétillant. Pétillant, pétillant. Ford Ranger, le pick-up compact le plus populaire au Québec. If you suffer from headaches, you know that pain stops you in your tracks and keeps you from staying connected to your life. Introducing the Headache Stopper. It's the vibration technology headband that uses vibration energy to relax piercing, pounding headaches without drugs. Two vibrating pressure points massage the pain and cancel the throbbing. Just wrap it around, turn it on, feel better quickly. Tired of using the chemicals and pills that don't bring headache relief? Worried whether chemicals are doing unseen harm to you? Save money on expensive prescriptions and doctor visits. The Headache Stopper will make you feel better fast. It's a personal head massage anytime. Order the Headache Stopper for only $19.95. Call now and you'll also receive free our Aromatherapy Wellness Spa, a $20 value. But wait, there's more. We'll also include 10 free batteries every month for 36 months. That's the Headache Stopper, the Aromatherapy Spa, and free batteries for 3 years. A $75 value now for $19.95. The Headache Stopper is doctor approved. Don't be a pill popper. Use the Headache Stopper. Nothing will stop you now. Moi, je parie que c'est Danny Daniel qui nous appelle. Salut. Salut. Non, c'est... Non, c'est Vic. Puis c'est... lui aussi, il est malade. Olivier, toi aussi, t'es malade. Ben oui. Moi, j'appelais pour le FTP pour savoir c'était quoi. Ah, boy, ah ouais, hein? C'était intéressant de même, toi. T'appelais pour le FTP? Ben ouais. C'est quoi tu veux savoir là? On est en train de faire une émission de radio nous autres ici. Là. Quoi, je te donne ta liste d'épicerie avec ça. Ça a l'air sérieux en esti. Oui, t'as compris le concept là, mais mettons qu'on s'envoie un email avec des FTP dessus, c'est-tu correct? Ouais, mais c'est parce que je suis malade à soir, si je veux voir le film à soir. Ah, t'es du corps, tu l'écouteras demain. Je tiens à souligner que Vic, on te donnera pas le mot de passe du FTP en nom. C'est moi. Voyons non, c'est qui ça? C'est Olivier. Salut Olivier, c'est Damien. Je suis à la radio 70%. Olivier puis moi, on travaillait ensemble à laver les toilettes du brouhaha. Puis je tiens à dire que Vic. J'ai changé de poste à ce temps-là. Ouais, ouais, t'étais mon second dans ce temps-là. Mais je tiens à dire que Vic est un des plus fanatiques auditeurs de 70%. Et pour ça, j'aimerais applaudir deux fois. Excellent, excellent. Il y a du lag là-dedans. Fait que, on va essayer de t'envoyer les codes de FTP, là, sinon je te conseille de je sais pas. Une bouillotte, une bouillotte. OK, raccroche. Ouais, oui, c'est ça. À bientôt. T'es beau, je t'aime. Ben, donnez-lui du miel. Merci beaucoup. Fait que là, on écoute la toune de Danny. Daniel, il est con. À 70%. C'est baiser les étoiles, c'est Danny Daniel. On est surpris. Baiser des étoiles quand la nuit commence, le vent dans les voiles, la terre tourne et danse. La nuit est si belle quand je regarde le ciel. J'oublie le destin, le temps, il me pousse des ailes. J'adore les parfums aux couleurs d'aquarelle, comme des petits bonheurs, je m'envole bien haut. Je marche sur l'eau, je dors sur un arc-en-ciel. Dans cet univers, tout est beaucoup plus beau. À baiser les étoiles. Oh, oh, baiser les étoiles. Oh, oh, baiser les étoiles. Oh, oh. Mm-hmm. Baiser les étoiles quand la nuit commence. Le vent dans les voiles, la terre tourne et danse. La nuit est si belle quand je regarde le ciel. J'oublie le jour et l'heure, l'amour est tellement belle. À baiser les étoiles. Oh, baiser les étoiles. Oh, baiser les étoiles. Oh, baiser les étoiles. DJ Georges n'est pas ici ce soir, il s'occupe de son enfant. C'est pour ça que ça nous fait plaisir de présenter à la place des publicités beaucoup plus intéressantes que sa chronique habituelle. Ouais, elle parle de... I don't understand. Ça marche! Grâce à la méthode Vidéolangue, bientôt je vais pouvoir converser avec mon nouveau voisin. Vous le devinez, c'est un anglophone. Vidéolangue, c'est une méthode révolutionnaire. Regardez, avec mon professeur privé, j'apprends du même coup la diction, la prononciation et l'orthographe. Tout ça dans le confort de mon foyer. On entend de plus en plus parler de préarrangements funéraires. pour ou contre? C'est une question de choix. Mais encore faut-il que votre choix soit éclairé. Seul un détenteur de permis de directeur de funérailles peut vendre un contrat de préarrangement funéraire. La loi oblige aussi que toute somme déboursée à l'achat d'un contrat soit obligatoirement déposée en fiducie. Et ça, afin d'assurer que l'argent sera disponible le moment venu. On sent son cerveau qui fond. Finalement, en vertu de la loi, aucune clause d'indexation de prix n'est permise. Dès la signature du contrat, les prix sont gelés. De plus, tout contrat de préarrangement funéraire peut être résilié à la seule demande du consommateur. Je vais me réveiller. Tu vois que c'est personne. Finalement, on a tous droit à notre opinion. Ce qui compte, c'est qu'elle repose sur de bonnes informations. Eux autres, c'est pas des comédiens, là, c'est clair. Ça venait de l'Abitibi, cette annonce-là. J.H. Fleury, préarrangement funéraire. Ouais, c'était plein de magie à la fin. Une petite dernière. Une nouvelle façon de parler connaissance. Prends ton téléphone et appelle. C'est la ligne en fait. 8-5-8-5. Une fête t'attend, c'est la ligne en fait. Parle avec des gens intéressants 24 heures par jour. Oui, ben j'ai sa coke à 3h du matin. 1-9-7-6-39-39. Qu'attends-tu? Compose le 1-9-7-6-8-5-8-5 ou le 1-9-7-6-39-39. Bonjour, vous êtes à 70%, c'est plat, changez de poste. C'était Hubert Gagnon. C'était Hubert Gagnon que certain. En fait, c'était Homer qui nous disait qu'il trouvait ça plat. Israël, t'as des grosses nouvelles là, concernant la foire qui s'en vient. Oui, tout à fait. Là. La foire du doute du 19 au 22 novembre accueillera Meux, j'en ai déjà parlé. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que la crème du métal québécois va être au brouhaha pour voir Meux, puis c'est très drôle. C'est genre Covadis, puis Neuraxis, puis... ouais, c'est ça. Puis un autre, Cryptopsy, vont être là pour venir voir Meux. Puis ben, voyons donc, c'est une farce, là. C'est vrai. faut rappeler c'est quoi Meux aussi là. C'est un phénomène underground qui vient d'Après-Sac en Abitibi. Et puis le gars il se filmait dans sa cuisine en faisant du rock rageur, on pourrait dire. Il a quand même inventé un style là. Il nous a rappelé à tout le monde qu'on était des chiennes à coke, que Leonardo DiCaprio était gay, que avoir faim c'est fif, avoir faim c'est gay, puis que le monde c'était dans le cul. Et voilà. Et puis c'est un message de paix comme ça qui a comme été vendu sur des cassettes, qui copiait, puis il l'a vendu plein à plein de monde. Là. Fait que si vous êtes comme notre chum Vic, un fan de métal, venez chercher vos autographes le 20 novembre au brouhaha. Ça va être à 23h. Wow, ça va être légendaire. Hey, ça c'est des bennes qui tournent puis... partout dans le monde, font des tournées au Japon puis font la pièce. Là. Puis, il vient de voir Meux. Ça va être juste après, ça va être juste après les Sprats en plus, fait que ça va être une soirée thématique abitibien abitibien fâché garoche. Bonne affaire ça. Israël, tu nous parles un petit peu plus tard du fantastique oui tout à fait, je vais revenir à mes moutons. C'est-tu que j'ai hâte, je mouille, man, c'est fou. Pour Meux, je promets d'amener une grosse casserole sur laquelle il va pouvoir taper avec une cuillère. Oh oui. Et puis d'ailleurs on va avoir le concours gagne une toune avec Meux. Vous allez pouvoir jouer une toune live avec Meux. C'est lui qui Meux va-tu être capable? Non. Il fait dire qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur de Basel. Ben, les 10 commandements de Meux, le commandement numéro 2, c'est t'écoute quand Meux parle, fait qu'il va sûrement dire quoi faire. Et voilà, j'ai vraiment hâte, c'est un grand ça coup va être ça. Chose. Bravo Israël. Oui, merci. Il nous a mis en contact avec le gars, on explose. Parlant d'exploser, Marie-Ève, as-tu envie de faire ça, là? Oui. Et ça veut dire, c'est quoi, tu vas nous lancer, toi, Gagnon, dans l'aventure de Normand Lamour? Je vais raconter une très belle histoire qui s'est passée. Tu as choisi une page au hasard, très arbitraire, et tu te lances dans la chose. N'espère pas l'avoir déjà lu. Non. Quel paragraphe. On t'écoute, on a hâte. Je sais que tout le monde s'en rappelle de l'autre fois qu'on en avait parlé, là. C'est pas grave, c'est un bout de répète. Je me lance, alors. C'est bien évident que je ne m'aventure plus jamais sur le pont. Alors, la paire de skis, je l'ai vendue le lendemain, à moitié prix. Et puis, j'allais à l'aréna pour patiner. J'avais à l'époque 17 ans. Et les gens à cette époque ne connaissaient pas nécessairement le patin artistique. Le patin de fantaisie. Je m'étais acheté une paire de patins pour homme. Il était noir. Et puis, il avait, à l'avant de chaque lame de patin, une série de griffes fortement affilées. Vous savez, des bouts piquants. Si vous saviez comme cela, ça peut être traître. Hey, c'est vraiment intéressant. C'était poignant. Hey, wow. La ponctuation est écœurante. C'est frappant. Parce que de là, le réalisme émerge comme une poudrée d'étincelles à travers des détails vraiment insignifiants, tu sais. Ce qui fait que ça ancre le récit dans le réel. OK, c'est pour ça que t'es allé dans les toilettes seul. T'as fini ton petit bout, Gandhi? Ben oui, c'était quand même le bout qui me... J'avoue que arrêter ses dents puis tout, c'est non, poétique. Ça veut dire que là, ça va être rendu DJ Georges de secours. Ouais, ben en fait, je me suis proclamé remplaçant de DJ parce que j'ai fait un petit ménage de mon iTunes, fait que c'est ça, je fais une petite chronique ménage de iTunes pour vider ma vieille marde, parce que quand tu pèses play sur random sur ton iTunes puis qu'il y a ça qui part là, à un moment donné, et tu te dis qu'il est temps que tu fasses ton ménage là. Moi je connais presque toutes les bridges à la fin quand tu chantes. Lick up my pal, lock me up, man, I can't do a thing. Lick up my mind when my telephone ring. What I'm gonna do, I'm back in the track. Suck me in the face, I go over my track. Ouais, je l'aurais mis, mais tu viens de le faire. Fait qu'on va aller mettre d'autres choses. Mais je pense qu'on connaît. C'était bon, Tommy, en plus. Non, il rock, il rock. Puis sinon, faut pas oublier, c'est un Canadien de Toronto qui a réellement fait de la prison. Son album s'appelait 12 pouces de. Ouais, wow. 12 inches, ouais. Ben, on se lance comme ça. Je vais avec. Vous connaissez C'est la faute au Bossa Nova de Margot Lefebvre? Non. Non. Pas en tout. Vous êtes chanceux. Par contre, il y a un prénommé Ray Bruno, qu'on peut appeler gaiement Ray Brune, qui aime bien aller au karaoké pour faire des tunes, puis il s'enregistre. Après ça, il donne ça à ses amis. Ça donne, j'ai déjà été son ami. Parce que je travaillais avec. Fait qu'on va écouter justement sa version de C'est la faute au Bossa Nova. Pourquoi je joue pas? Oh là. C'est un soir de danse dans notre quartier. Là, forcément, il est sous, là. Elle n'avait pas de chance. Je l'ai invité, oui. Elle m'a regardé. J'ai redemandé dans ses bras, j'ai dansé la samba. Oh! C'est la faute au Bossa Nova. Alors, Ray Brune, c'est le chef cuisinier du restaurant Le Barbare de Saint-Denis. Donc, si vous allez faire un tour, on le salue. Le rythme du jour. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ça finit dans la poubelle, ça? Hein? On va mettre ça dans la poubelle de l'ordinateur. Ça veut dire que c'est la dernière fois que tu l'entends avant longtemps? J'espère. Fait que si on continue à fouiller sans aller trop dans les bas-fonds tout de suite, on tombe sur du Marc Drouin. Oh. Avec « As-tu du feu? » Non, mais j'ai du beurre de pina. Ouais. Mais là, ce qui est plat, là, on le connaît, c'est plat. Non, mais justement, c'est pour ça que vous êtes là. Vous allez m'aider à juger si ça s'en va dans la corbeille à papier. Ça, cette tune-là, ce qui est assez fabuleux, là, c'est que il dit rien, hein. Il dit à un moment donné. Mais il dit jamais rien dans aucune de ses chansons, là. Mais celle-là, il. Tu sais, je veux dire. Ah, pose une question. J'ai du beurre de pina. C'est ça, là, je veux dire, on est comme pris dans un loop éternel de quelqu'un qui demande quelque chose que l'autre dit non, mais j'ai d'autres choses qui n'ont pas rapport. En fait, dans mes cours de français, j'ai appris que As-tu du feu serait une phrase interrogative. Ça termine-t-elle par un point d'interrogation? Ouais. Ok, là, on est bon, ben, on est plus capable, hein? Plus capable? Ok, ben, j'ai mieux. Est-ce que c'est lui l'interprète de cette merveilleuse chanson, Marc Drouin? Ouais. C'est ça ou des échalotes, là. Ou Milli Vanilli. À moins qu'il y ait un scandale comme Plastique Bertrand. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a d'autres, hein. J'aime ça, ceux qui font des scandales. J'en ai un, justement, ici, là. Vous allez le reconnaître. Ah, laisse la toute! C'est pas bien long. Ah ouais, il paraît qu'il avait baissé ses culottes, là. C'était Jérémy Gabriel, le petit handicapé. Je l'accompagne. Tout le temps une dose de vraie valeur. J'en ai d'autres, mais je vais les garder pour plus tard. Hey, mais vive le vent! Là. Attends, je pense qu'on a quelqu'un, une personnalité importante qu'on a presque oublié aujourd'hui qui voudrait parler. C'est donc une stratégie perdante et un approvisionnement culturel pour tout le Canada. Ah, c'était Jean? Ouais, sinon... T'es ça dans ton iPod? Non, encore! Non. Par contre, moi, à un moment donné, il y a ma belle-mère qui m'a donné un CD. T'as un CD de famille, là, qu'on se promène ça dans la famille depuis un bout, là. Moi, je suis plus capable de l'entendre. Pars avec, s'il te plaît, je veux plus le revoir. Ben, de l'écouter! Là, on va savoir si je devrais le donner à quelqu'un d'autre. On va écouter Lost Poulailler de Jerry Jolie. Ah, ça, c'est bon, ça. Ben oui, Jerry Jolie.

Voyons, Tommy, ça se peut-tu que ce soit le film de ce soir, ça? Ah, sapristi, mon gars. Gary Daniels. Ils ont kidnappé Gary Daniels, ils veulent faire des expériences c'est dessus. C'est pas Frankenstein. Est-ce que la proie va devenir le prédateur? Je ne partage pas votre enthousiasme. Nous ne devions utiliser que des clandestins ou des repris de justice, des apatrides. Andrews, il est en parfaite condition, c'est un spécimen très rare. Les autres n'ont résisté que 8 jours. Si nous pouvions améliorer nos résultats, ne serait-ce que... C'est un innocent, pensez-y. Messieurs, et on vous promet que ce soir, tous les acteurs sont des innocents. Notre programme. Oui, oui. Regardez-le, il est en parfaite forme physique. T'attends. Il fera un très bon soldat, capable de tuer sans hésitation. Ah bon, là on a le prétexte. Vous pouvez lui injecter 200 cc. On peut pas aller jusqu'à 200. Alex? Non, plus. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Attends, écoute. Grâce au listening. Aidez-moi. Je vais vous aider, calmez-vous. Je vais vous faire une injection. Le produit va vous bouler un peu. Évitez de trop vous agiter, sinon vous risquez de faire une hémorragie. Est-ce que vous comprenez? Pas m'excité. Non, je me déplaque, j'ai peur des aiguilles. Et voilà, ça va commencer. Là. Il y a une espèce de laboratoire avec toutes sortes de lumières qui clignent, là, puis des panneaux électriques, là. On le reconnaît, ceux qui sont fans, on le reconnaît. C'est dans Roboflick 1, 2 et Hologram Man. Et voilà, Alex qui... Ça, c'est pas pire, ça. C'est Paris qui l'a lancé sur la boîte électrique qui est pas protégée, parce que les boîtes électriques dans les films sont jamais protégées pour que tu puisses lancer des gens dessus et s'électrocuter. Et voilà, faut et jamais toucher un carton à boîte côté, électrique. Ça détruit tout. À grand coup de pied, pendant qu'on a une belle trame sonore de fond, je vais vous parler un petit peu des vraies valeurs, là. En fait, douteux.org est pas mal sur Facebook. On a même un Facebook de 70% tellement on est high-tech. Puis DJ George, il nous a fait un Twitter. C'est fou. Mais pas tant que ça. De ton côté, ben, en fait, j'invite au nom de Edgar Bory plein de gens, le plus possible, au party qui s'appelle Passe-moi le POC. C'est le 13 novembre au Lion d'Or. Il nous invite personnellement, tous les amis de Tommy. Il dit que c'est gratuit, là, mais ça, va falloir que vous me têtiez, parce que sinon, ça vaut la peine d'aller dépenser un peu de cash pour une bonne cause. C'est la fondation André Dédé Fortin, là. Tu sais, celui qui s'était suicidé de manière glauque. Ouais, ouais, puis le lendemain, il y avait sa lettre de suicide dans le journal. Ouais, ça, ça avait été très, très rondement amené, ouais. Ouais. Donc, ça commence à 19h30, c'est le 13 novembre prochain. C'est pas mal ça, là. Une reprise du même spectacle à 22h. Hey, Edgar Bory nous fait un show aussi. C'est sûr, j'y vais, moi, en tout cas. Sinon, ben, je vous rappelle qu'on a la foire qui s'en vient, et ainsi que Julien Bernatchez qui vient d'arriver. Julien, c'est-tu ton dossier sur Patoff aujourd'hui? Ouais. Il y a son dossier sur Patoff, c'est pour ça qu'il a l'air en sueur. Viens proche de moi! J'adore ça d'avoir les explosions en background pendant que je vous parle un petit peu d'affaires plus sérieuses encore. Avant de sauter dans l'excellent très vif du sujet magnifique de ce soir qui est rage, je prends quelques secondes de votre temps pour brasser des idées de fond qu'on ne doit jamais perdre de vue quand on utilise le filtre de pensée qu'on vous propose. Nous ne faisons pas ici le culte de la médiocrité, nous cultivons les différences. Et les différences nous aident à changer car elles modifient notre conception du grand spectre des possibles quand on essaie de comprendre l'humanité. En vous présentant des choses que vous n'auriez pas vues ailleurs ou que vous n'avez peut-être pas réfléchi de la manière dont on les réfléchit ici, nous avons la prétention de réveiller un réflexe en vous. Se sentir insulté par les médias est une constante pour la plupart des personnes que je connais. De pouvoir partager cette impression avec d'autres devient rapidement une valve de pression. Car tous ici assument à un degré plus ou moins conscient, on vous prend pour des caves. Donc, en clair, nous sommes là pour ramener le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle. Tout mérite d'être questionné, sinon ça ne vaut rien. Ce que l'on fait au visionnement douteux, c'est de se poser des questions ensemble. On se sent fort ensemble face à une œuvre qui fait partie de notre patrimoine. Ce n'est plus une question de public cible, mais une réelle réappropriation de la sphère culturelle. Nous avons la conviction qu'il faut apprendre à rire de nos erreurs, non pas les balayer sous le tapis en oubliant la leçon qu'elles symbolisent. Et les erreurs de notre passé feront toujours la force de notre avenir. Posez-vous des questions. Si vous ne voyez aucune réponse, riez, lancez un projectile, parlez-en à votre voisin, mais surtout, posez-vous des questions. Et c'est là que le doute rend fort. Vous êtes capable de vous poser des questions, de voir de haut ce qui semble être la source d'un malaise illogique. Pour quelqu'un de dogmatique, religieux ou un autre sévinisé, le doute peut sembler faible comme position. Mais c'est bel et bien la plus solide et viable des attitudes. Le doute évolue et change selon les questions que l'on ajoute à l'équation, ce qui le rend plus fort et adaptable à chaque fois. Si vous ne me croyez pas, ben venez donc me poser une question, on va voir. Et j'ose terminer cette réflexion en un message à tous les Danny Gilmore et autres créateurs précieux de ce monde. C'est le public aidé du temps qui décide de la valeur d'une œuvre, jamais le créateur aidé du réseau de distribution. Pensez-y un peu avant de vous endormir à soir, puis je vous parlerai de rage un petit peu plus tard dans l'émission. Mais c'est pas pire, ça a rimé, toi. Fort. Bernatché, tu te sens-tu prêt? Hey, c'est ma chronique préférée! Julien! Ça va où, là? Traditionnel. Là, moi, je suis en train de... Ah, tu sais quoi, ça? C'est du patoff? Des tonnes de patoff. Tu veux des tonnes de patoff? OK, regarde, là, je vais mettre ton système d'intro, là. Moi, j'aime ça quand il est là, mais il est pas assez à côté de moi, ça. Il est loin, hein? tu dois sentir okay. Son haleine, quand même. Un petit bout de rage, là, juste pour que j'aille le temps de... C'est pas long. Là. Ça tire, on aime ça. Ben, en attendant, je vais vous raconter l'accouchement de ma jeune tante, moi, qui a accouché. Ben, ouais, il y avait, Chris, j'ai gardé le placenta, vous allez pouvoir le signer à la foire. C'est vrai. Non, j'essaie de remplir le temps avec de l'improvisation. Ben, moi, j'aime ça, les entendre tirer. Ah ouais, c'est ça. Ben, il y a peut-être moyen d'avoir un placenta pour le Téléthon. On appelle à tous. Envoyez-nous un placenta. Si vous connaissez quelqu'un, il n'y en a plus besoin du sien. On va l'utiliser comme projectile. Par la poste, il faut l'envoyer une semaine à l'avance. Ouais, c'est ça qu'on le reçoit. Trois tounes de Patoff, man. Patoffville. Je vais te demander en particulier Patoff Blue tantôt, mais ouais. Sinon, peut-être on peut improviser. Là, ouais, c'est Stone, cette toune-là. Bon, ben, Alex, on y revient tantôt. C'était rage pour l'instant, c'est. Et Patoff. Bonjour tout le monde. J'ai un dossier sur Patoff. J'ai appelé ça Patoff, lettre comme la vie, triste comme la mort. on y va légèrement. Alors, j'aurais dû me relire. Okay, alors, je pose la question. Y a-t-il quelque chose de plus effrayant qu'un clown? Un clown déguisé en pédophile? En pédophile. Une ben, petite fille que, clown. Ah oui, déjà. Y a quelque chose de profondément mal à l'aisant avec un vieux monsieur qui porte du rouge à lèvres. Je sais pas c'est quoi exactement. Puis, y a-tu un clown plus effrayant que Patoff? Ça fait un mois que je vous promets un dossier sur Patoff. Le voici, mais croyez-moi, j'ai pas travaillé là-dessus tout ce temps-là. On pourrait même croire en m'écoutant que j'ai eu l'idée en à la station. Alors, j'ai attendu cet après-midi, puis je compte le terminer tantôt. Alors, je noterai qu'il y a beaucoup d'informations sur Patoff sur le web, facilitant et malheureusement allongeant mes recherches. Est-ce qu'il prouve un phénomène qui me dépasse et me fascine un peu, la popularité qu'a connue Patoff? Tant mieux pour lui, bien sûr. Je suis pas ici pour juger une génération. C'est juste que c'est tellement calissement weird, Patoff, que je trouve ça presque cool que les jeunes l'ont tant aimé. Alors, d'abord, j'ai trouvé sur le web l'histoire de Patoff d'après lui-même. Voilà. Vu que c'est Patoff qui l'a écrit, c'est pas drôle, là, tu sais. Bon, okay. Mon chum, c'est le Capitaine Bonhomme. Je travaille avec lui depuis très longtemps. Nous nous sommes rencontrés à Pékin alors que nos deux cirques se croisaient. Il m'a invité à venir avec lui au Canada et j'ai accepté son invitation. Il me paie en roubles, c'est la monnaie des Russes. Éducatif. Malheureusement, ce n'est pas l'argent du Québec et je ne peux rien faire avec ma fortune. Ce ne sont plus des roubles, ce sont des troubles. Toute la différence est dans le thé. Alors, Patoff, par lui-même. J'ai trouvé sa fiche signalétique d'après Michel Goodwill, publiée dans le Photo Vedette du 23 septembre 1972. Oh, des sources! Oui, vraiment. C'est une fiche. Ouais, même dans mes travaux d'université, j'en ai pas. L'as-tu retrouvé sur Wikipédia ou? Ben, j'ai même pas. C'est vraiment, tu googles Patoff, là, puis il y a vraiment de l'information, en fait. Je conseille à tout le monde de googler Patoff, ouvrir un onglet. Legacy, toi. Des images de Patoff, tout aussi étrange. Fiche signalétique étrangement composée de jeux de mots. C'est pratique. Si Patoff se fait arrêter pour avoir corrompu les mœurs, on a sa fiche. Alors voilà. Son nom complet serait Grégoire Patoff. Sa date de naissance, la mi-août. Fête des chats. Âge, je ne vais pas toutes les lire, hein. C'est garder le monde à l'écoute. Âge, un clown n'a pas d'âge, seulement un gros nez. Pourquoi j'ai pas coupé ça? Occupation, clown international. Mes préférés, ça je l'ai noté parce que je comprenais pas. La patoffe frite. Ah, c'est comme des patates frites, je pense, moi. Ah! Ah non, pour vrai, je comprenais pas. Je patoffe frites. Je pense, ben, sinon, non, ça a du sens. Non, ça a du sens, merci. 987-3000, poste 16-10. Quelle meilleure explication sur qu'est-ce qu'une patoffe frite? Moi, je serais bien frais patoffe, là, si on m'en a donné l'occasion, là. Mario Célibataire, il répond, j'ai bien connu la comtesse Lisev Payetteski. C'est comme un jeu de mots qui lise Payette, mais c'est quoi? Je sais pas si tu entends que patoffe a couché avec, je crois ça. Intéressant. Lecture, répond l'idiot de Dostoïevski. Une bonne réponse. Émission de télévision, il a dit Capitaine Bonhomme, naturellement. Et à part ça, des jeux de mots. Là, parenté, j'ai un cousin qui est gardien de but, il pogne tout. On va sauter cette section-là. Fait que voilà. plus beau souvenir, un safari africain avec mon guide, il tue toutes les mouches. Elle écrit ça. Jeune, je reviens à moi. Comment ils font pour dormir, ce monde? Ben, il est mort, ça aide. Jeune, on avait un vinyle de Patoff, Patoff en Russie, qui comprenait son plus grand hit, Patoff Blue, que j'amenais avec moi. Je sais pas si je comptais ce ouais, qu'on... Ouais, c'est assez dramatique. Ben, même. C'est ça, effectivement. À part ça, c'est la face A, aussi, il raconte son histoire, qui, surprise, est vraiment déprimante. Genre, il y a des loups, puis il fait froid, puis c'est la nuit. t'écoutes ça entre une game de Sega Master System puis une séance de garage Playmobil là, puis tu te sens sale, t'as envie de pleurer sans raison. C'est rough pour des jeunes, puis je sais pas pourquoi qui. Sur la face B, ben c'est lui qui comptait des jokes avec un gars qui dit on l'applaudit après. c'est ça pendant 15 minutes des enfants qui ont la cave. Mais quel est le lien entre Patoff et la BD, me diriez-vous si on se parlait? Ben Patoff, pour le bien de tous, a commis 3 bandes dessinées dans les années 70. Commis. Oui, j'ai choisi mes termes. Qui extrapole sur ses nombreux voyages fictifs. Du moins, je présume que c'est ça parce que j'ai pas envie de les lire. Il me manque le tome 1, le probablement excellent Patoff et les ovnis. Mais j'ai offert à Noël dernier à ma blonde, Madame Colombo, le tome 2 et 3, Patoff en Chine. Ah, j'ai écrit Patoff en chien sur ma feuille. Mais... Et non, Patoff en Chine et Patoff chez les dinosaures. Je tiens à rappeler avant de recevoir des courriels haineux que c'est que Madame Colombo m'avait offert auparavant les 3 albums des Bouctouches. Fait que c'est donnant-donnant. Hein? Album que je présume que Tommy essaie toujours de finir parce qu'il est en sa possession. Ça fait maintenant 3 mois, Tommy. Alors, as-tu réussi à les terminer? Ah, ben, je les ai prêtés à du monde. Ah, faut que ça circule. C'est tellement bon. Je sais. Je pense qu'il voulait les revoir. Non, ça va. Je me sens spécial. C'est sa blonde qui veut. C'est madame. Ouais, c'est où des Bouctouches que je t'ai donné? J'étais sûr que je les avais retrouvés. Ouais. Non, ça va, y'a pas de problème. Ouais. On s'en reparle après l'émission. Là. Les Bouctouches. Non, ça va. Il y a d'ailleurs des liens à faire entre les Bouctouches et Patoff. D'abord parce que les deux comprennent 3 horaires de l'album, mais aussi parce que les éditions Intouchables, appartenant à l'auteur, compositeur, interprète et auteur des Bouctouches, Michel Brûlé, ont commis un revival de Patoff récemment avec des dessins comme d'enfants, là, puis des intrigues qui n'ont pas rapport avec l'œuvre originale. Attends, là, toi. C'est ce que je pense. Michel Brûlé a vu un intérêt morbide dans Patoff dessiné, puis il est en train de le rééditer. Mais c'est qu'il y a des liens parce que Michel Brûlé est un russophile avoué, tu sais. Il parle beaucoup de la Russie dans les Bouctouches, par exemple. Ah, puis ouais. Patoff est un clown russe. Ben, faux clown russe, là. Fait que. C'est comme, j'imagine que lui, puis j'imagine qu'il aimait ça quand il était jeune, parce qu'il a l'air weird, Michel Brûlé, lui aussi, fait que... Ben oui, à la poubelle! Oh my god! Alors, mes critiques des albums, alors, Patoff en Chine, qu'on peut faire circuler, si vous voulez, dans le studio, c'est des gens qui ont des choses à dire. Oui, là, ça serait bien d'avoir un premier jet de commentaires. Oui, je lance de l'autre côté Patoff et les dinosaures. Ouais. Alors, Patoff en Chine comprend des jeux de mots qui feraient pleurer Goscinny et des caricatures de Chinois qui feraient rougir Uderzo. D'après le dessin sur la couverture, c'est Patoff qui s'en va en Chine en bateau avec un chien. S'ensuit, je présume, 44 pages de plaisir et de désir. Et on peut dire qu'on en retire une leçon, car à la fin, il y a un lexique avec des leçons sur la Chine, pis tout. Oh, pédagogique, comme Jules quelque Verne. Chose, peut-être Pred, je le prends maintenant dans les mains. Ben oui. Vas-tu m'en dire? Ce que nous avons appris en Chine. Avec ses 800 millions d'habitants, la Chine est le pays le plus peuplé du monde et le 3e plus grand superficie après l'URSS et le Canada. Je pourrais continuer, mais ça manquerait d'intérêt. Non, alors, ben, c'est ça déjà en partant. Oui, j'ai aussi le non plus sérieux Patoff chez les dinosaures qui comprend. Plus sérieux, ouais. Oh non, c'est Patoff inspiré de faits vécus, c'est ça. C'est quand Patoff est allé visiter les dinosaures. Ben, je sais pas, je l'ai pas lu, je sais pas comment qu'il y a. Peut-être dis-le au moins le début. Je m'en rappelle, c'était pas l'insectarium. On peut savoir un extrait de ça ou... Ouais, peut-être. Vas-tu nous lire un extrait de Patate et des dinosaures? Le début, peut-être. Une bulle. D'après... Une bulle avec un accent russe quand c'est Patate qui parle. Je vous assure, Général Itoff, que les légumes qu'on cultive soi-même sont toujours les meilleurs. Général de répondre. Dans la Sainte-Russie, Monsieur Paul Pomme, les légumes sont toujours gros, même ceux en conserve. Je proteste, Monsieur le maire. Là, Patoff, c'est le maire. Ouais. Ok. Julien l'a sûrement lu. Je vous en prie, messieurs, trêve de conflit. D'ailleurs, Général, vous n'avez jamais visité notre potager. Comment osez-vous émettre une opinion? Puis là, c'est... Ben... Plate. C'est intéressant. Ouais, ben voilà. Alors, donc... Patrick. Oh, super. Les dinosaures comprend, ça, je les... Ouais, comprend toujours d'après la couverture, Patoff qui se court après par un gros dinosaure avec un chien. C'est ça ce qui arrive. C'est ça qui arrive, j'imagine, pendant 44 pages. Ils ont une relation à la Tintin et Milou, je présume, charme compris. L'album comprend aussi, à la fin, une espèce de lexique sur les dinosaures, aussi instructif qu'écouter Jurassic Park 3 en fumant du crack, bad trip compris. Je noterais quand même qu'ils ont changé de dessinateur et scénariste entre les albums, puis que les dessins sont vraiment meilleurs, en fait, dans Patoff et les dinosaures, mais c'est évidemment pas suffisant pour le vous recommander. Patoff a sévi dans d'autres sphères de la littérature. En effet, il existe aussi plusieurs livres de mots cachés Patoff, des albums à colorier Patoff, un livre pour relier les points Patoff, un livre de cuisine Patoff. Et tous doivent avoir des meilleures intrigues que les BD. J'avais le livre à colorier quand j'étais petit. Vraiment? Ouais. Ah, ok. Cette barre, je l'ai pas gardé. C'était assez vintage. Non, je t'aurais. Le livre de cuisine. Ouais, celui-là, je. T'as pas d'extrait, là. Une soupe au nez de clown. On l'a pas. Attends, le livre. En fait, le livre de cuisine de Patoff, on l'a vendu à Lancan l'an dernier. T'es sérieux? Ouais. Ah, ouais, non, je savais pas ça. Ouais. Alors, juste après qu'on ait vendu l'outil pour fabriquer des œufs à la coque cubique. Chaque recette goûte drôle. Dis-moi, Julien, t'as-tu poussé ta recherche assez loin pour savoir c'est qui le drogué qui faisait Patoff? C'est un certain, je pense, Jacques Desrosiers. Okay. Je suis pas sûr à savoir. Alors, on salue son pusher? On salue. Ben, il est décédé maintenant, mais il jouait... Le pusher? Qu'est-il devenu? Il jouait dans la Florida. Il est mort. Aussi, il jouait dans la Florida, puis il jouait dans Scoop. Voilà. Bon, la grosse carrière en général. Vas-y, man, à part Patoff chez les dinosaures, il y a le Patoff en Chine. Ouais, le livre de cuisine. Ouais, c'est ça. Non, tout ce qui... Il y a aussi un livre qui s'appelait Patophone, mais ça disait pas c'était quoi, j'ai pas compris. C'était... Mais bon. Aussi, à part ça, dans les produits dérivés, j'ai vu un masque Patoff a découpé qui est l'affaire la plus épeurante de l'histoire de l'humanité. Et Dieu sait que l'histoire de l'humanité est remplie de frousse. Alors, quand même, là. Aussi, sur le podium, il y a les pochettes de ses vinyles, dont la palme du malaisant revient à son album Patoff et les coupeurs de tête. C'est vraiment. Patoff et les coupeurs de tête. À la maison, j'imagine, googlez ça, puis regardez la pochette de cet album-là, c'est. Ah. J'ajouterais que vu que Patoff est mort depuis Patoff longtemps. Patoff et Cédrica, tu sais. Oui, Patoff et Cédrica. Non, ben, ça va pas. Il est pas pédophile, là. Oui, pas. Ah, Patoff et son nouvel ami Jérémy Gabriel. Non, c'est juste ça. C'est que l'esthétique de Patoff en général, c'est épeurant, là. C'est comme. C'est David Lynch. C'est comme esthétique de clown de centre d'achat, mais avec ben du budget, tu sais. Ouais, disons. Clown de centre d'achat de luxe. Ouais, c'est ça. Nouvel épisode. Patoff visite Vlad l'Empaleur. Ben, ça, je le lirai. Moi, je dirais pas, mais je checkerai la couverture. Ah, il est vraiment, ok. Il est comme dans une cage avec un singe à côté. Mais t'es-tu mal, là? On sait que c'est pas un singe, c'est comme une personne bronzée de naissance qui porte un masque de singe. Ouais. Et y a Patoff. Fait que non seulement c'est un noir, mais en plus il porte un masque de singe. Il y a Patoff à côté, ouais. Puis Patoff, les deux sont dans la cage et Patoff, il a la bouche ouverte comme si. Comme s'il essayait de se déguiser en Glory Hole, mettons, là, puis... Glory Hole! puis j'aimerais ça ne plus jamais avoir à regarder ça. Ben, il est trop tard pour toi, Tommy, je sais pas pour les gens à la maison. Ouais, je vous rappelle qu'on ne peut pas dévoir quelque chose. Évidemment. Dans le cas de Patoff, c'est malheureux. Pour terminer mes recherches, j'ajouterais que vu que Patoff est mort depuis longtemps, il n'aura jamais pu connaître Arcade Fire ou Mad Men. ça fait réfléchir à ce qu'on va manquer après notre départ. ça fait mes recherches, mon... Alors, Patoff, c'est un succès bien de chez nous, un phénomène populaire fascinant, un artiste accompli et un ami. Je donne A- pour l'ensemble de son œuvre. J'enlève quelques points parce que dans les produits dérivés, j'ai vu un verre Patoff qui est un verre en plastique jaune, écrit Patoff en bleu dessus, pas d'illustration de Patoff dessus, rien, c'est pas sérieux. Alors, A-. Bravo, Patoff. Hey, merci, Bingo. Hey, bravo. Merci Julien. Tiens, on va se faire une petite transition sonore, là. Juste Patoff Blue. Regarde, t'écoutes ça, jeune, là, pis t'es pas bien. Ouais, c'est super mélancolique, Patoff. C'est assez. Mais Patoff, il a commencé avec le Capitaine Bonhomme, c'était comme son sidekick un peu. Ouais, effectivement, ouais. Il y a eu des séries télé, c'est le genre. Je suis un clown de musique. La littérature, là, mais Patoff, c'est complexe. Qui rit, qui pleure et qui sourit. Ouais, ben, moi, j'aurais peut-être une toune, un petit. Ben, j'allais dire meilleure, là, mais c'est vite dit, là. Ça dépend des goûts rendus là. Moi, j'ai découvert cette semaine le nouvel album de Philippe Catherine, puis j'aimerais ça vous le faire entendre, au moins une toune. Pas la banane. Non, fuck la banane, là. On va l'entendre mur à mur pendant des mois, là. Par contre, il y a d'autres tunes un peu spéciales qui fait plus ici. Je vous laisse choisir. Soit qu'on écoute Moustache ou Il veut faire un film. Moustache. Moustache, ok. Alors, on va écouter Moustache. À 70%. Puis on va revenir. Vas-y, après. Mets ta moustache! Enlève ta moustache. Remets ta moustache. Garde ta moustache. Ouais, je vais vous donner une petite coupe de potin, là. Je sais que je me suis plate, là. Je fais plus mes chroniques de défoncer, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le milieu culturel là, des célébrités. Alors, je vous les lance, les potins dont tout le monde se crisse royalement. Alors, on y va avec, évidemment, notre star, notre vedette, celle que tout le monde aime, Lindsay Lohan. Alors, elle veut maintenant redorer son image. Elle veut ouvrir son propre centre de désintoxication. On la salue. C'est quoi ça? Ben, j'irai là, moi. Parce qu'elle était tellement dopée dans le temps, elle sait de quoi qu'elle parle. Ouais, qu'elle ouais, elle est allée souvent maintenant, elle a assez de compétences à ouvrir le site. Elle se dit, je vais me sauver du cash aussi, tu sais, tout aussi bien. Si t'aimes ça manger au restaurant, t'as faire un restaurant, tu sais, comme ben ça. Ouais. Mais on a aussi Christina Aguilera, hein, elle a un nouvel homme dans sa vie. C'est qui? On s'en fout. On s'en encore. On a Charlie Sheen, qui ne panique pas, et il compte rester sobre. Pourquoi? On s'en crisse. On a Cameron Diaz qui a rompu avec Alex Rodriguez. Alors, si quelqu'un à la maison sait qui est Alex Rodriguez, vous pouvez nous appeler. C'est un joueur de baseball prédateur. Qui fait trop d'argent. C'est A-Rod. Non, ouais, c'est ça. C'est pas l'inventeur de la moissonneuse-batteuse. En tout cas, on a aussi Carrie Mulligan qui a été nommée la personnalité la mieux habillée en 2010. Qui est Carrie Mulligan? J'ai juste vu son linge, j'ai pas... Ouais, hein? Bon, c'est ça, tout le monde s'en fout. Il paraît que Will Ferrell n'est pas rentable pour les studios. Oh, touchant. Touchant, oui. Le jour, il va apprendre à brailler comme faux, là. Non, il est pas très bon là-dedans. Pour brailler, non, il est pas bon. Par contre, on a Lil Wayne qui sort de prison. Wow. Ouais. On a Leonardo DiCaprio puis Blake Lively qui mangent ensemble, là. Oui, on mangeait ensemble cette semaine. Quoi? Ça veut dire que ce sont faites à 69. Et on mangeait quoi? Ah, surprise. Sûr, est-ce ça devait être bien bon. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Mais ça c'est pas la pire. J'ai faim, moi. Ouais, puis pour terminer, bon, je trouvais que c'était bon pour finir. ça va nous relâcher un petit soupir, tu sais. On a Ricky Martin qui a pleuré après avoir révélé son orientation. Moi, je trouve pas ça drôle. Hey, ça avait fait comme une tonne de briques, man. Personne le savait. Comme Joël Legendre dernièrement, là. Hey, moi, j'ai réveillé tout le monde chez nous. Hey, je leur ai dit, avez-vous... Hey, tu sais, le gars, là, frisou, là, qui s'habillait serré pour faire des petits magrés le matin, là, avec l'autre, là. On se relève sur nos deux pieds. Je te jure, t'as vraiment la même voix? Ouais. Des petites tapettes? Ben non, je suis pas frisé. Non, c'est Leonardo DiCaprio. C'est Aladdin. Hey, on a eu un email avant de passer au monde fantastique. Danny Daniel Gabriel qui nous a écrit à 70%. C'est 70POUR100 à commercial@gmail.com. On ouvre tout le temps ça en direct. Ça veut dire que si vous écoutez l'émission en archive, vous pouvez nous envoyer un email là, puis dire après que... Ou à moi. C'était pas bon. Personne me parle, moi. Bon, quel grand plaisir d'entendre ma nouvelle chanson en onde à 70%. Qui reste du fun à chaque semaine, toi? J'invite toutes et tous les auditeurs et auditrices à venir baiser les étoiles avec Danny Daniel Gabriel au Téléthon de la dernière chance. Yeah! Le 21 novembre prochain parce que... On sait, à la joie d'une bonne bière blonde, on sait que Danny Daniel va être là. Il va ouvrir notre Téléthon juste après que ma mère nous ait fait des tartes aux pommes, pas de pommes. Il va-tu se mettre en bédaine? On verra. C'est pas un soir de pleine lune, anyway, ça a l'air. C'est un soir de pleine lune. C'est un soir de pleine lune, man. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec Daniel. Moi, je lui laisse les plein contrôle de son expérience. Je crois qu'il nous écoute en ce moment. Salut, Daniel. On le salue chaleureusement. Salut. C'est la première fois, en plus, qu'il va jouer devant des gens. Ça veut dire que pour une première fois, on va être le plus aidant possible, c'est sûr. Ouais. Toutes les vibrations positives sont sur nous. Fait que, Israël, toi, amène-nous au monde fantastique. Laissez-moi vous parler d'un univers fantastique. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a détourné un train fantastique pour kidnapper un président fantastique. On a détourné une station de télé fantastique. Tout ça en deçà de notre némésis qui est une sorcière très normale. Ouais, c'est ça, finalement, la sorcière ordinaire. Fait que je vais vous expliquer deux, trois affaires hors jeu avant qu'on se remette dedans la prison fantastique à cause qu'on a détourné la station de télé fantastique. Dedans, Final Fantasy VIII, fantastique. t'achètes des revues, des magazines. Dans le jeu. Ouais, c'est ça. Pog. Fait que, admettons, tu sais, tu veux t'acheter des nouvelles armes. Non, mais il va y en avoir un jeu de Pog à vente à l'encan, par exemple. Mais excuse-moi, ma chronique, là! Excuse-moi. C'est quoi un test de problème? Je sais pas, hein, ils ont besoin de parler. Là, ils ont tellement des choses à dire. C'est ma chronique préférée. Ben ouais, c'est que ça, Julien, là, qui peut m'écouter. Arrête d'étirer, tu vas dire que ta chronique. Donc, c'est ça, t'achètes des magazines fantastiques. Fait que là, admettons que tu veux t'acheter une nouvelle arme fantastique, genre un épée. Ben là, faut que t'achètes le Weapons Monthly ou le mensuel des armes. Puis tu peux pas l'acheter tant que ta revue n'est pas sortie. Ah, yeah, c'est weird, ça. Fait que, en fait, tu les achètes pas. Fait que là, t'es en prison, puis là, tu trouves le Weapon Monthly, je pense, 4. Fait que là, tu vas pouvoir t'acheter la nouvelle épée pour Squall puis les autres, fantastique. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Squall est plus dans ton team. Il est rendu en train de se faire torturer en haut de la prison, puis il se fait se poser des questions du genre « Dis-moi quelle est la vraie mission des graines! » Parce qu'on se rappelle que... puis il se fait électrocuter en même temps. Voyons, qu'est-ce que les graines recherchent? Qu'est-ce que les graines, ça veut? Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu te fais poser cette question-là. Ben là, j'ai traduit mot pour mot parce que l'unité, on se rappelle, d'élite, c'est des seeds, donc des graines. Fait que ça, c'est pas des claques fantastiques que tu reçois pendant. Non, tu reçois des chocs électriques fantastiques, puis t'es comme accroché sur une croix fantastique qui électrocute fantastique. Là, tu souffres, puis t'as des choix de réponse, genre. Fantastique. It's whatever. Oui, il y a whatever. Il y a toujours aussi, whatever, je pense. Hein. What are the seeds are all about? Ben, c'est quoi ça, les seeds, dans le fond? Les graines? Là, tu peux répondre que c'est pour planter des graines partout sur la Terre, tu sais. Mais on sait très bien que la vraie mission des graines fantastiques, c'est de tuer la princesse ordinaire. C'est ça, la vraie mission des graines. La vraie mission des graines! C'est de tuer la princesse ordinaire. OK, fait que là, faut s'échapper de la prison, sauf que là, qu'est-ce que... Dans les jeux vidéo, en général, je sais pas, pop quiz de même, quand t'es dans une prison, c'est quoi la première affaire qu'il faut que tu fasses, genre, là? D'habitude, il faut que tu parles à personne. Puis là, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui arrive. Non, en fait, pas tout à fait. Non, il y a un passage secret. Non, ça paraît que vous êtes jamais allé en prison, vous autres. Non, la première chose que tu fais quand tu rentres en prison, c'est que tu spots celui qui a pas d'amis, qui est tout petit dans un coin, puis tu vas y arracher la tête, genre tu le laisses pour mort. Voyons, vous avez tout faux. Il y a jamais personne qui a vu quelqu'un faire semblant d'être malade. Ah oui, c'est pas fou, ça. C'est ah, tout le temps le classique. Ils l'ont fait dans Chrono Trigger. Ils l'ont fait dans Chrono Trigger. Ils l'ont fait dans tout. Donc, puis là, après ça, t'as pas d'armes. Faut que t'ailles chercher tes armes. Mais heureusement, on a notre ami Zell Dinch, que lui, son arme, c'est ses points. Fait qu'ils n'ont pas envie des points. Ses points fantastiques. Goldorak peut enlever ses points. Donc, tu réussis à t'échapper de la prison, mais t'apprends qu'à quelques pas de la prison, il y a une base militaire fantastique qui va lancer des missiles fantastiques sur les collèges fantastiques. Fait qu'il faut aller arrêter ça. Fait qu'on split le team en deux. Il y a une moitié, l'équipe Omega, on va dire, qui va aller essayer d'arrêter les missiles de se faire lancer. Puis l'équipe Alpha qui s'en va dans les collèges pour avertir le monde de crisser le camp. Ouh! Oh. Ouais, c'est bien géré, le Final Fantasy VIII. Là. Mm-hmm. Le leader, il dit whatever. Fantastique. Donc, l'équipe A, Alpha ou Omega, en tout cas, l'équipe à base de missiles réussira pas sa mission, malheureusement. Fait que les missiles vont décoller. Enfin, des missiles fantastiques, faut pas oublier. Hein. Oui. C'est pas vraiment... le genre qui fait exploser. Puis là, pendant que les missiles sont sur le bord de se faire lancer, là, puis t'as un décompte, tu peux quand même jouer aux cartes avec le monde. Aux cartes fantastiques. Ah oui, on rappelle qu'on peut jouer, c'est comme jouer au jeu avec des cartes Pokémon. Ouais, c'est ça, tu pèses sur carré puis tu peux voyons. I heard you know rules. Ton deck est moins gros que le mien. Ben non, c'est ça. Mm-hmm. Fait que donc c'est ça. Puis au collège fantastique, eux autres, qu'est-ce qui arrive? J'ai quasiment fini. Bon, ça va aller. Donc, au collège fantastique, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, ils disent ah, là, le monde, on peut pas sortir tout le monde de l'école à temps. Mais là, le directeur de l'école fantastique dit « C'est une ancienne base militaire ici. Fantastique. » Donc, il y a comme un système qui permet à l'école de décoller puis de se pousser. Dans le fond, l'école, c'est comme ton premier ship. Fantastique. Fait que là, tu t'en vas dedans les sewers de l'école fantastique. Puis là, tu réussis à trouver les engrenages fantastiques à pousser. Puis là, tu fais décoller l'école, puis t'évites de justesse... Les missiles. Les missiles fantastiques. Ça doit être une dans une costume. Animation costume fantastique. Ben oui. Avec peux-tu des explosions. Skipper? Peux-tu la skipper? Non. Tu peux pas skipper les summons non plus, puis t'en pognes tout plein. Donc là-dedans, j'ai battu une coupe de boss, mais j'en passe. Là, on a réussi à faire décoller le collège fantastique, et on vogue par-dessus la mer fantastique. Mais là... Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on connaît pas les contrôles du vaisseau fantastique qu'on vient de faire décoller parce que c'est de l'ancienne technologie fantastique. Ah, yeah, ils ont jeté le manuel du poste. Hey, calme. Attention, des villes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas crasher dans un village de pêcheurs fantastiques. Tabarnak. Puis, on va se coucher là jusqu'à la prochaine fois, mes amis. Excellent! Oh! Bon, aventure! Bon, je vais sucer mon pouce et s'attendre que tu refasses ta prochaine chronique. Ça, c'est jouer avec le suspense. Merci beaucoup, Israël Fantastique. Oui, la prochaine fois, on va voir les dégâts que les missiles fantastiques ont causés dans d'autres collèges qui n'ont pas eu la chance de décoller eux autres. Fantastiquement. Oui. Ouais, ben, j'ai bien hâte de voir ça. Merci. Ça devient de plus en plus fantastique. Parlant de fantastique, toi, Damien, tu voulais nous chanter une chanson fantastique. Oui, ben on l'a dit plutôt, Danny Gabriel. Danny Gabriel va venir au Téléthon. Le Téléthon, c'est un show qu'on anime depuis maintenant. Ça va être la troisième année. Puis c'est pas mal le fun. Performance mix, artistes louches, animation, beaucoup de rire. Et sur ça, je me lève pour chanter une chanson qui va être interprétée live avec instrumentation au Téléthon. Mais là, comme j'ai pas d'instrument. Une chanson de Danny Daniel? Non, la mienne. La tienne. Je vais la chanter. De Damien Blanchard. Je vais la chanter a cappella. Ça s'appelle Insoumis. Insoumis par indifférence. Ah, j'aime ça. Est-ce un nom, une victime brûlante, que l'on aplatit par indifférence? Le regard en errance, on se fige sur place, c'est ça sa puissance, c'est ça sa mouvance. Me regardes-tu comme le fer de la glace, quand je me lance tout cuit dans l'appel de ma place? J'ai un trou dans le cœur, mais un pétard dans le cul. Un œuf cuit ben dur qui éclate dans ta face. J'ai appelé ton nom et tu m'as assagi. Ton visage de danger compris. La grosseur du torchon qui enveloppait ton nom. Insoumis. Insoumis. Insoumis par indifférence, comment décrire la chute des glaces, la fonte des canons rouillés sur les plages, une enveloppe d'en face en travers de ma craque, c'est ça sa puissance, c'est ça sa mouvance, meilleur bout. Le livre de la foi est ouvert à bonne page, ça tombait si bien entre nos corps enlacés, j'ai un trou dans le cœur, mais une bombe à moitié, un chandail épais. Puis c'est contre les vampires en cage. J'ai appelé ton nom ensemble et tu m'as assagi. Ton visage de danger compris. La grosseur du torchon qui enveloppait ton nom. Insoumis. Insoumis. Insoumis. Insoumis. Insoumis. Insoumis. Par indifférence. Par indifférence. Merci. Ah oui, hein. J'aime ça, t'es revenu à tes merci sources. Hein, que... Ouais, ben j'ai comme on continue à penser dans ma tête au personnage du claviériste qui sue. Mm-hmm. Puis ça m'a inspiré ça. C'est vraiment une chanson... faite pour le Téléthon, puis venez donc l'entendre live. Ah, excuse-moi vraiment... si t'as eu l'impression que j'applaudis ça en plein milieu, je voulais te faire un beat, moi. OK. Hey, sinon, on a un autre email au 70%. Oh, c'est, ils veulent du lait de Damien? Andy Jao qui nous écrit « Tommy, achète du lait pour la pape. » Et vous l'avez entendu à 70%. Merci de m'avoir fait rappeler le souvenir quand tu nous as tous réveillés. Hostie, je voulais le savoir live. Ça, c'est bien sûr en rapport à Joël Legendre. La consternation. Vous étiez où quand vous l'avez appris? Éric, t'étais où, toi? C'est comme le 11 septembre, hein, on se souvient. J'avais dormi, je ne savais même pas. Moi, tu savais pas que Joël Legendre est gay, mais comment tu vis ça? Je savais, mais je savais pas qu'on en parlait cette semaine. OK, puis maintenant... Comment je vis ça? Ouais. Ça va super bien. Okay. Toi, Marie-Ève, t'étais où quand t'as appris que Joël Legendre était gay? Oui, moi, j'étais à l'épicerie en train d'attendre dans la rangée. Pas dans la rangée, mais... OK, à la caisse. Et je regardais les revues à potins. Ah, et j'ai lu ça, et c'est... Mon cœur a arrêté, c'est... Colin, je m'en attendais vraiment pas. La prendre d'une revue, ça doit pas être facile, par non, contre. Non, vraiment. Ben oui, moi qui croyais que moi et Joël, un jour, on allait se rencontrer. Ah, mais tout est possible, tu peux le changer, ma belle. C'est comme se réveiller un matin, puis t'es mort. Comme Patoff. Puis toi, Bernatché, t'étais où? J'étais tout nu devant mon ordinateur. Ben, le matin, sur les nouveaux sites, que je dors tout nu, deux, tu vois, le matin, je check les nouvelles sur mon ordi, ben puis ouais. Là, je raconte à ma blonde qu'est-ce qui se passe, puis là, j'ai le genre, il est gay. C'est ça, puis je bois du café. Je vais pas le chercher tout nu, parce que là, j'ai un coloc, mais supposons, elle va le chercher à ma place, puis là, moi, je regarde les nouvelles. C'est ça que c'est passé. C'est un gros sujet de discussion, mettons, là, ouais. Ben, ça va tout le temps mieux de vivre ça en gang, hein. Ah, ben oui. Moi, j'étais tout seul, man. Non, on supportait l'un. Wow, ben, c'est pour ça que je suis allé réveiller tout le monde. Toi, Rick, où t'as appris ça? Mais en fait, je l'ai jamais appris. À toi aussi, juste là, comme Eric, là? Je vois pas de quoi vous parler. On est peut-être mieux de laisser ça de même. Ouais, moi, j'arrête ça, là. Ben, Damien? Moi, quand je l'ai appris, ben, il se plaignait de ça à TV, là. Ben, tu veux dire, OK, c'est le pogné à TV, toi. Ben, dans l'annonce, il se plaignait, là. Dans l'annonce? Ben, parce qu'il est allé se faire interviewer à la TV ouais, à propos de parle, ça. Ouais. De ouais. Son dernier show, vous le saviez bien moins que moi. Ouais, c'est ça. Puis toi... Ben, moi, c'était à cause de mon ami Vincent Larouche, qui est journaliste en l'encarte au Journal de Montréal. Puis il a posté ses liens, mais juste pour blaster le Journal de Montréal avec son Rue Frontenac. Okay. Fait que je l'ai comme pogné de même parce que je chialais. Le Frontenac. Et je chialais après le journal parce que... Parce que c'était inintéressant de publier une affaire. Qui... Et pourtant, moi, ça m'a jeté à terre. Mais c'est parce que c'était fait avec la rigueur, là. Tu veux dire un truc, Tom? Assieds-toi toujours à terre, tu pourras plus tomber. Ouais, c'est pas mal la meilleure manière. Pour se déplacer, c'est idéal. Mais comment il va, Joël, là? Il va-tu bien? Joël, si tu nous écoutes, là, appelle! Hey, est-ce qu'on fait une table ronde sur Joël, là, genre? Ben, on le fait déjà! Ça pourrait être pas pire. C'est pas ça qu'on fait là, ouais. Ouais. Ouais, ouais, mais là, on pourrait parler d'un autre côté. Sa voix dans Aladdin? Ah, elle est malade! moi, je dis qu'on va parler de ça pendant qu'on va écouter Céan de Les Incendiaires, parce que j'ai déjà entendu, en plus, la semaine passée, j'ai écouté la TV chez mes parents. Il y avait une pub à V, ou Canal V. Puis là, à un moment donné, j'ai vu, il était écrit « Cyprine, les incendiaires » en bas à gauche parce qu'ils ont pris Cyprine des incendiaires dans la pub. Puis là, ben, à la fin de la pub, je dis « Hey, je la connaissais, cette toune-là, puis je les connais, eux autres. » Puis là, ben, je l'ai dit à mes parents, mais ils ne croyaient pas. Mais c'est vrai! J'ai demandé à Bruno, il m'a dit que c'était vrai. Hey, man, ils vont commencer à faire de l'argent. Là, on écoute. Oh, ça il y aurait pu nous faire des nouvelles sites d'abord. On cite le Canal V, man. Ils sont partis. Non, hey, là, le choc, il va encore nous tomber ça à patate parce qu'on a cité Canal V. Qu'on écoute les incendiaires, puis C1, puis on parle plus de V. On parle de Joël Legendre à 70%. C'est Armando, man. Bye Israël, Israël qui est au studio, on salue, bye Zan. De l'Auto-Québec sur le réseau TVA du lundi au vendredi, tout de suite après Ad Libre, de même que le samedi à 22h51. Bonne chance. Tous les samedis à 22h53, assistez à la sortie des combinaisons chanceuses du Select 42 et du Loto 649. Deux tirages qui emplissent du misto du Select 42 vous offriront des moments remplis d'émotions. Select 42 et Loto 649 vous offrent à tout coup des gros lots très impressionnants. C'est donc un rendez-vous, un double rendez-vous avec la chance, samedi soir, 22h53. Il y en a qui disent que je fais trop d'exercices, que ça se peut pas, que je travaille trop, que je mange en vitesse. Ah, tout ce qu'ils peuvent trouver, ça se peut pas. Sauf une chose. Matrida. Ça se peut pas. Ici Edgar Bory, là je suis ici, mais je m'en vais tout de suite chez nous pour écouter 70%. Je viens de découvrir l'émission, puis ça a l'air que c'est bien. C'est le fun, je viens d'en vivre une, là, je vais aller écouter les autres qui s'en viennent ou qui sont passés. Ouh, c'est bien sale, je sais qui va m'aider, mon héros bien musclé. Bye bye la saleté, monsieur Net. Ça brille, tout est propre, tout est si net. Avec un peu d'effort, ça brille sans trop d'effort. Moi et mon colosse, on s'arrange bien, monsieur Net. Ouh, bah non, y'a... Je passe partout, par-dessus, par-dessous, avec mon bal Swiffer. Oh, Swiffer! Merci, Damien. En petite ambiance, c'est approprié. On va parler de rage pour vrai cette fois-là, pas du ramasser des affaires qui sont autour. Du contenu, pas du contenant. Un spécial Gary Daniels, je l'ai provoqué, je l'ai eu. C'est-tu que je l'aime, Gary Daniels? Je vous l'avoue en toute sincérité. C'est pas la première fois que je l'ai dit, puis sûrement pas la dernière. On a même fait un macaron citant Fais-moi un enfant, Gary Daniels. C'est moi qui l'a dit, ça. Par où débuter un exposé sur Gary Daniels, un acteur capable de monter sa jambe par-dessus sa tête plusieurs fois de suite? Par son surnom, évidemment. Wow. Dans la maison, on est surpris. Comment ne pas prendre au sérieux un acteur qui se fait appeler Danger Man? Danger Man, donc, est né le 9 mai 1963, ce qui fait qu'il est taureau. Hein? Ben ouais. Hein? D'origine anglaise d'Angleterre, Danger Man s'est fait découvrir dans les années 80 en gagnant plusieurs gros tournois d'arts martiaux en Californie. Et il est à la bonne place. Et comme c'est arrivé quelques nombreuses fois, un producteur a vu en ce sportif accompli le potentiel d'un acteur de film d'action. Je sais pas pourquoi ils font tout le temps ça. Côté filmographie, celle de Danger Man a de quoi attirer l'attention. Notons d'abord ses 17 films en 8 ans, de 1992 à 2000. Il fait miraculeux, aucun de ses 17 films n'est en haut de moins 4. Ça veut dire que c'est tout comme moins 4 et plus douteux. Très, très, très intéressant. L'épique notable est en Rage en 95 et Recoil en 97. Ces deux films sont sans contredit inclus dans la liste des 32 meilleurs douteux de la fin du dernier millénaire, rien de moins. Dans Rage, un film à voir absolument et qu'on va voir ce soir ainsi que dans 4 autres places au Québec, Danger Man devient Alex. Un décalque de son seul et unique personnage qui, cette fois-ci, est professeur dans une école primaire. L'action débute alors qu'un groupe obscur de l'aile néolibérale du gouvernement des US of A décide de tester un produit censé rendre invincible dit professeur dans le but éventuel de fabriquer une armée invincible. Donc, expérience sur un prof du primaire pour avoir une armée invincible. On s'en doute, Gary se sauve à grand renfort de savate et revient donner une belle leçon de civisme. C'est une phrase intégralement citée à la fin du film, en tuant une bonne quatre-vingtaine de méchants militaires. À 1 HP, forcément. Oui, oui, les droonies, les vrais, là. À noter la longue séquence de ralenti avec des fenêtres qui éclatent lors du combat final dans le centre d'achat. 2 points, incroyable. Pour Rage, moins 8. Et message aux habitués des films de Pépin Méry. Je vous demande de porter une attention particulière au décor de laboratoire dans lequel Danger Man va se réveiller. Ah ouais, c'est encore le même, là. C'est le même laboratoire que l'on a pu admirer 3 années avant dans Roboflick 1, puis après dans Roboflick 2 et dans l'homme hologramme. Un fait qui nous ramène à la propension bizarre qu'ont Pépin Méry à maximiser leur investissement en faisant exploser tout ce qu'ils ont touché ou fabriqué, soit dans un film, soit dans l'autre. Sinon, pour booker le dossier Danger Man... Danger Man, excuse, c'est pour toi le téléphone. Je vous conseille de voir tous ces films. Chose tellement rare pour un acteur douteux que seul Big Bill, Billy Blanks, Ted Denton Pryor et Alexander Taiwanese Deception Lou méritent le même traitement. D'ailleurs, les plus versés auront reconnu Gary Daniels dans le film de cet été avec tous les vieux, là, les expendables. Gary tenait le rôle de British, c'était le nom de son personnage. Un des méchants qui, comme tous les autres méchants, termine le long-métrage décédé. Et, oh ironie, British décède d'un munch. Oh! J'en ai presque pleuré, mon gars. Au nombre qu'il donne dans sa carrière, c'est pas comme si elle l'avait pas mérité. Ouais, ben, c'est ça, peut-être que c'est le juste retour du balancier. J'ai très chaud. Hey, rendu là, Eric, toi, t'es journaliste dans différents quotidiens montréalais. Oh, une couple, là. C'est... 3, 4, 5, 6, là. T'aimes-tu ça? Ben oui, j'aime ça, certain. Fait que tu vas nous lire un du bout de Normal évidemment. Amour. Ben oui. Moi, je trouve le lien est évident. Peux-tu mettre ça tout en background, moi? Ben oui. J'aurais choisi quelque chose de noir ou dans la cuisine. J'ai toujours... Ah, ben, gars, je te mettrai pas de ça. Va te mettre quelque chose de beau pareil. Vas-y. Genre, j'ai Rémi Gabriel, ça te tente-tu en background? C'est correct, je le connais pas, vas-y. Ben oui, tu le connais. Voyons, vas-y un peu. Oh, c'est normal, c'est l'amour. Connais-tu ou il connaît pas? Moi, je... Non, moi, je le connais pas. Envoyez Eric. Okay. On va dire, je t'inspire. Rappelle-nous pourquoi t'as fait ton bac, là. Ça m'a rappelé moi-même. Ouais, c'est ça. Ok, ça commence comme suit. Et puis, quand il pleuvait, et puis que la pluie n'arrêtait pas de me laver la face... Et dans les vitres de mes lunettes, ça me fatiguait joliment. Il y avait aussi les gros insectes qui m'arrivaient droit dans mes vitres de lunettes de bicycle à gaz. Et il m'arrivait qu'un goéland ou une mouette, voire même un pigeon, lâchait sa fiente qui restait collée après ma paire de lunettes à motocyclette. on est-tu encore capable? Ou... Ben ouais. Okay. Moi, je trouve ça vraiment beau. Coupe de ligne de plus. Il y a comme une belle métaphore de quand que j'ai gradué aussi. Là. C'est bon. Je comprends tellement ce qu'il veut dire. Fait qu'on était rendu à lâcher sa fiente, ouais, c'est ça. Qui restait collé après ma paire de lunettes à motocyclette. J'ai été forcé d'arrêter. Que voulez-vous? Je ne voyais plus rien. J'ai manqué de prendre le fossé. Alors, je me suis débarrassé de cette moucyclette. Il y a vraiment une faute. Il n'a pas eu le temps de prendre le goût de tinette. C'est quoi une tinette? Pas eu le temps d'en prendre un goût? Et puis le gaz, quand je le partais, le gaz me rentrait dans les narines avec ma faiblesse respiratoire. Moi, je suis plus capable. Okay, je pense qu'on pourrait faire une petite pause. Moi, je dis, t'as fait ta part. C'était très beau. Merci beaucoup, Eric. Le seul extrait des ça couches fait plaisir. Du livre. Le reste, c'est tout clair. C'était bravo. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Ça, c'était pour toi, mon Eric, de ma part. Ah, merci. C'est toujours apprécié quand ça vient de toi. Ah, ben, je sais. T'es mort à 70%! Hey, ça arrive pas souvent avant de profiter. Ça veut-tu dire qu'il faut que je mette des tunes? Ben oui, c'était ça, pas mal okay. Le deal. Bon, ben, parce que je l'aime bien, je vous remets une autre tune de Jérémy Gabriel, l'escargot et le fraisier. Ils mettent tellement beau. Un escargot, ton père, grand-père, l'amour d'un fraisier. Il le tout doucement, il pèle et va tomber tété. Encore un qui répare, victoire, il est monté. Sinon, t'as mis dans des tonnes de Patoff que je t'ai amené, il y en avait une autre qui était bonne. Pas Patoffville, pas Patoff Blue, l'autre. Ah, oh, tu parles de celle-là, la suceuse? Ouais, de... c'est ça, Patoff suce des dinosaures. Ah, c'est ça? C'était pas du tout ça, je me ouais, pas. Ça se peut parce que c'est pas ça. Ah, ok, ouais, c'est pour ça que c'était pas ça. Pas grave, il y a des super belles paroles là-dedans. C'est de T-Bob, en fait. C'est T-Bob qui chante. Voici cette belle inconnue. La belle fille s'en va à sa table. C'est une suceuse de cul. Et voilà, vous l'avez attendu à 70%. Ça suce pas un cul, vraiment. Non, fait que pour fêter ça, on va écouter la chanson de... Vous allez la reconnaître, en fait, je la nommerai pas. Bonjour, Patoff, tu dis qu'elle est bonne? Au lieu de 30 premières secondes, parce qu'il reprend un autre hit qu'on va reconnaître. Mais c'est pas celle-là. Non, pas celle-là. Fait que veux-tu y sortir sa tune? Tu l'as-tu, Tom? Quand tu veux, je fais un fade-out. Bon, ben, on va se taper un petit bout de bonjour, Patoff. Là. Le début, il paraît qu'il est bon. Pas moi qui l'a dit. Je remercie Étienne Forêt qui m'a passé son Patoff. J'ai essayé souvent d'aller incognito au cinéma du coin voir un film de Charlot. Mais je n'avais pas encore franchi la porte qu'on me disait bonjour, Patoff. Oh, ouais, hey, ouais, voilà, ben ouais. C'est vrai que ça fait russe, hein. C'est très russe. Ça, c'est. Ben là, on peut entendre la voix de Patoff. Fait qu'on peut savoir quelle voix qu'il y a dans les bulles des albums. Et, ben, il chiale qu'on l'a. Tu sais, il va aller voir des Charlots au cinéma. Supposons qu'on le reconnaisse, qu'on le reconnaisse tout le temps. Puis il est agacé de ça dans la chanson, en fait. Bonjour, Patoff. On serait, je vais vous parler de sa chanson. On reconnaît bien sûr, ça, c'est un hit de Frank Zappa. Voilà, oui. C'était pas Green Day, ça. Qui a repris Bonjour, Patoff, semblerait. Non, non, c'est Green Day, là-dedans. Aïe, aïe. Vas-y, prends, je pense à une autre. Ouais, moi, j'aime bien Claude Valade. Je pense même que c'est une des premières chansons que DJ George avait mis qui m'avait réellement brusqué. Je la mets. C'est « De quelle couleur est la peau de Dieu » de Claude Valade. Ah, c'est triste, ça. C'est une très bonne question. J'étais jamais posé cette question-là, je vois. Je disais bonsoir à mon petit enfant en l'embrassant tendrement. D'une voix endormie, il m'a demandé de quelle couleur est la peau de Dieu. De quelle couleur est la peau de Dieu. Bleu. De quelle couleur est la peau de Dieu. Bleu. Rouge ou blanche ou comme tu veux. Les hommes sont tous les mêmes sous le regard de Dieu. Je vais avoir ta réponse. C'est beau, hein? Sinon, quand j'écoute des affaires de même, moi, après ça, ça me donne le goût de... De me pendre. Ben, vous allez voir. On donner toutes les races, moi, je c'est ça. L'autre, là. Papier de toilette, ça me donne... Ah, mais chier, qu'est-ce que tu veux? C'est encore Jerry Jolie, ça. Toujours des grandes chansons, là. T'aurais faire une cochonnerie. Tout le monde doit se cocher. papier de toilette, oh, papier de toilette. Fait qu'après ça, bon, tu sais, ça me repose d'entendre ça, papier de toilette. Fait que ça, je vais me coucher. Puis là, je fais des cauchemars, puis j'entends des tunes comme. Jesus is my friend. Ouais, bonne elle. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, y'a better than you. Là, j'hurle de toutes mes forces, puis je mets du Nicole Martin pour me calmer. L'album au complet de Sunseed vaut vraiment la peine. Menteur. Ah ouais, je l'ai écouté souvent. Hein. C'est tout ça. Ça, c'est Nicole Martin. Toi, Ricky, c'est quoi la chose que t'as le plus hâte de la foire de l'absurde qui s'en vient du 19 au 22 au brouhaha? Écoute, tu sais, qu'est-ce qu'on a un paquet de surprises? C'est comme Noël quand t'ouvres des cadeaux d'une famille ou donne des cadeaux. Ouais. J'aime beaucoup l'allusion. c'est qui tu vas inviter à cette place-là, toi? Une nouvelle flamme. Ouais, ouais, ben donc, en gros. Ouais, ok. on le voit ici à la maison, il se gratte. Il est en train de dompter des fourmis. Hein. Je pense qu'il évite la question. Oh. Alors, on voit que je suis vraiment habitué avec le médium radiophonique, tout plein de combler le temps. Mais donc, la foire douteux cette année, si je me trompe pas, il y a encore beaucoup de. Merci Ricky, c'était vraiment pertinent, très cohérent. Mais oui, il y a la foire de l'absurde qui s'en vient. Y a-t-il quelqu'un qui a le goût d'en jaser? Damien? Non plus, hey, ça va bien. Moi, je pense que tout le monde est au courant que ça va arriver. Ben, mets la bande-annonce, peux-tu faire ça? Je vais essayer de la retrouver. Ben ouais, t'es capable. Pendant ce temps-là, on écoute Nicole Martin. Ouais. Sinon, si ça peut faire passer le moton, on peut peut-être juste prendre un coup avec la poudre. Soyez francs. Aimeriez-vous ça prendre un bon petit verre de bière? Ce qu'on aimerait ça. Toi, t'es sûr, mémé, que t'es à l'âge pour en prendre encore? Prendre un verre de bière, mon amour. Amen. Ouais, elle est vraiment touchante, celle-là. Non, non, je la trouve pas, vite fait. Hein. Ben, c'est pas grave. J'aurais dû y penser avant, là, pour vrai. Ben, je te l'ai fait penser avant, Tommy, t'as pas d'excuse. Ça, là, quand elle chante ça, c'est le genre de fois où elle te regarde, mais pas tout à fait, tu sais, le regard un peu détourné. Ben, en fait, un œil peut te regarder, mais peut-être pas l'autre. Ouais. De bien, m'emmène-nous! Surtout tellement qu'elle a une voix de rossignol. Donne-moi-en-don. Solo! Non, non, elle est finie. Wow. Aïe, c'est déjà la fin de l'émission. Ah oui. Moi, je vais mettre des publicités pour finir ça. En vous rappelant à tout le monde que c'est la foire du 19 au 22. Ricky, merci. Hey, ça fait plaisir. Juste pour faire une petite annonce, moi, la foire du douteux cette année, donc je vais essayer de faire un sketch. J'étais un peu gêné, mais je vais essayer. C'est un monologue que je prépare et tout. Oh. Mais ça va être la première fois de toute ma vie que je fais. Que je fais n'importe. C'est la première fois, anyway. Que ce soit n'importe quoi, ça va être la première fois. Eric, tu sais quoi? C'est moi qui vais te présenter. Puis je suis tellement confiant que tu vas comme right through it through the wall. Et voilà. Mets-moi pas trop de pression, s'il te plaît. Non, non, non, je t'adonne la pression. Puis c'est bon d'en avoir. C'est bon que t'aies comme une charge d'énergie. C'est mieux d'être Ricky. Bon. Tu sauras pas quoi faire avec. Puis ouais, ça... non, mais est-ce que je vais le faire? Si ça me tente, je vais le faire, mais. Non, non, tu viens, t'as pas le choix. Tu m'as dit que tu viendrais. Ça a été dit à la radio. Je le fais plus d'abord. J'ai mis dans l'horaire, on l'a annoncé devant le monde. Tu viens, mon Chris. Julien Bernatchez, merci beaucoup. Ah, pas de trouble, ça m'occupe. Ça a été fabuleux. Marie-Ève Gagnon, merci, c'était ta première fois. Dis merci dans le micro. Merci. Et voilà, ça y a fait plaisir. Beau, Lévi. Éric, merci bien gros d'avoir passé. Ça a fait plaisir aussi. On a fait ça stressé pas mal, là, tu l'as senti. C'était bien correct. Et voilà, merci Predge, on s'en va à... Plaisir, wow. C'est pour ça que j'ai mis en background une chanson que j'adore, c'est le Noël des campeurs de Rock Voisine. Ça, c'est touchant, Nasty. Bon, ben on va laisser ça. Tout le monde, on se lève debout. C'était Tommy Godette au micro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On est pas prêts d'aller se coucher.